jaune. Jeanne. Non, jaune. Jusqu'au 4 novembre, chez Intermarché, le pack de 16 yaourts aux fruits jaune. Jeanne. Panier de Yoplait est à seulement 3,50€, avec en plus 30% d'avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 16 x 125 grammes, soit 1,75€ le kilo. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Une conversation très intéressante sur les goitres, mais enfin, très intéressant. Alors, rien à voir avec, croyez-moi, les bonnes nouvelles que j'ai à vous annoncer. C'est-à-dire que nous allons terminer la semaine vraiment en beauté. Demain, Patrick Bruel sera notre invité, en direct, bien entendu, dans ce studio. Et ce sera le cas vendredi avec Nolwenn Leroy. Vous faites bien d'écouter la Première Radio de France et on va continuer de vous surprendre et de vous transmettre de très, très bonnes vibrations. Ce sera le cas, évidemment, tout de suite aussi avec notre camarade Julien Courbet. Merci beaucoup, mes amis des infos. Vous savez, il va se passer beaucoup de choses dans l'heure et demie qui va suivre sur RTL, avec des missions envoyées par les auditeurs d'RTL. Nous sommes là pour les régler. Celle de Christian, pour commencer. Je vous appelle de Gironde. J'ai réglé plus de 3000 euros à une société de déménagement. Elle ne m'a pas tout livré. Le camion de déménagement que j'ai payé aurait servi à déménager d'autres clients. Il me rappelle un homme que j'ai bien connu, Jean-Pierre Vénère. C'est vous, Maître Novakovic, qui allez vous occuper de ce cas. Tout à fait. Nous aurons la mission de Jérôme. Je vous appelle du Calvados. Je suis passé par une agence en ligne pour un vol aller-retour pour Cali et j'ai été victime d'un surbooking. Je suis resté planté sur le tarmac avec 3 autres passagers. Depuis, la compagnie ne me propose rien. Ni le remboursement de mes réservations, ni la moindre indemnisation. Ce sera avec Maître Fellono et un coup de gueule de Bernard Sabat. Voici l'équipe qui m'accompagne ce matin. Il y a donc Maître Novakovic, avocat pénaliste, pardon, barreau de Paris. On le garde. Bonjour à tous. Maître Novakovic, Maître Fellono. Bonjour. Bonjour. Double négociation, Hervé Bernard. Bonjour. Toutes les équipes sont là. Merci d'écouter le 9h30-11h. Vous avez choisi RTL. Tant mieux. Pour nous joindre, il y a le 3210. 50 centimes d'euros la minute. Mais je vous conseille, car c'est gratuit, de vous habituer à faire du Facebook. La page, ça peut vous arriver. Ou mieux encore, vous allez sur le site rtl.fr, vous cherchez un peu, vous tapez dans la loupe, ça peut vous arriver. Et là, vous déposez vos messages, ils sont lus, je vous assure, tous les jours. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Voici le premier cas, celui de Christian. Christian est en ligne avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Julien. Alors racontez cette histoire de déménagement à tous les auditeurs d'RTL. Mon Christian qui nous appelle de... De la Gironde. De Saint-Médard-en-Jalles. Saint-Médard-en-Jalles. Ah bien, tenez, allez dire bonjour à mon frère, il habite à côté de chez vous. Allez-y, je ferai le cas pendant ce temps-là. Christian, allez-y, je vous écoute. Bon voilà, donc je suis parti de la Lorraine, de Florange pour Saint-Médard-en-Jalles et j'ai contacté donc une entreprise de déménagement. Et quand le camion de l'entreprise est arrivé donc à Saint-Médard-en-Jalles le 5 juin, j'ai aperçu qu'ils avaient enlevé donc des cartons de mon déménagement et les chauffeurs, ils m'ont dit « Nous avons mis vos cartons dans un garde-meuble, mais... » On vous ramènera le reste de votre déménagement plus tard. Mais j'ai comment ça se fait plus tard ? Mais parce que le camion était plein ? Non, le camion quand il est parti de Florange, il était plein, mais vraiment plein. C'était une remorque de 44 mètres. Mais là, vous avez vu tous les cartons rentrer dans le camion ce jour-là ? Oui. Et alors après, on ne sait pas pourquoi, il y a quelques cartons qui ont disparu pendant le trajet. Voilà. Donc, apparemment, ils ont fait un déménagement sur les Landes, je crois. Et ils m'ont dit, les 2 rangées de cartons, on a enlevé et on les a mis dans un garde-meuble. D'accord. Mais ils ont, c'est facile de dire, il y a 21 mètres cubes de plus quand on enlève les cartons. Ça, c'est... Bon, Christian, rentrons pas dans les détails parce qu'on se moque du nombre de mètres cubes. Ce qui compte, c'est qu'apparemment, ce qui s'est passé, parce que c'est ça que veulent savoir les auditeurs, comment 20 cartons, je dis 20 comme j'aurais pu dire 30 ou 50, partent d'un point A pour être livrés à un point B, tout d'un coup, il y en a 5 qui disparaissent dans le trajet. Parce qu'en fait, vous auriez appris, car vous avez fait votre petite enquête à la Colombo, que dans le camion, il y avait des affaires d'une autre personne. Autre. Et donc, ils se sont un peu mélangés les pinceaux, si je comprends bien. Ben, je ne sais pas si on mélangeait les pinceaux, mais en fin de compte, ils ont tout gardé. Et moi, je suis pris en otage parce qu'ils me réclament, en plus, le premier devis était donc de 3 719 euros. et il me réclame en plus 2200 euros. Pour vous livrer les cartons qui ont disparu pendant le trajet. De mes affaires. Écoutez, là, permettez-moi, vous ne me voyez pas, mais au moment où je vous parle, je suis à genoux et j'embrasse le sol et je remercie le bon Dieu du litige de m'envoyer ce cas. Je n'avais encore jamais entendu ça, Maître Novakovic. Alors, en fait, on a un premier contrat, c'est un devis qui vaut contrat parce qu'il a été signé par les deux parties. C'est une proposition pour 44 mètres cubes et donc il y a un accord sur le prix, etc. Donc le contrat est parfait. Et là-dessus, il y a ce déménagement qui intervient et l'entreprise a indiqué à notre auditeur qu'il aurait rajouté 21 mètres cubes. Voilà, qu'il aurait rajouté, enfin c'est ce que dit notre auditeur, qu'il aurait rajouté 21 mètres cubes de plus, c'était pas prévu. En conséquence, ils lui ont adressé un nouveau devis, un devis complémentaire postérieurement au déménagement. Donc, écoutez, si vous voulez récupérer les 21 mètres cubes de plus, payez-nous notre devis complémentaire. Mais dans ces cas-là, il fallait pas les livrer dès le départ. Exactement. Exactement. Il fallait laisser en l'état, faire un constat d'huissier, etc. Donc là, c'est leur parole contre la sienne, premièrement. Deuxièmement, quand un contrat, ben, fallait, c'est, à la limite, il fallait vérifier en amont ce qu'il en était au niveau des mètres cubes et ne pas accepter une chose pareille. Donc aujourd'hui, ils sont en tort. Ils ont conservé les meubles donc, de notre auditeur. Ils font une sorte de chantage qu'ils attendent effectivement le retour d'un prix. Donc je pense que on a besoin d'une explication de leur part. Ce qui arrive de temps en temps, c'est que les mesures, vous avez vu, elles sont. Alors il y a des gens très sérieux et puis il y a des fois des gens, et je ne dis pas que c'est le cas de cette société, où les mesures sont prises un peu à la one again. Tu sais, au jugé, bon, allez, peut-être pas ma petite dame, là, il y en a pour 33, ça fait tant. Et puis quand il charge, il s'aperçoit qu'il n'y a pas 33, il y a 53, donc il y a le patron qui y attend, vieux. Moi, on ne va pas lui facturer 33, il faut trouver une solution pour qu'elle paie 53, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc dans quelques instants, je vois, Maître Felonneau, que vous voulez dire quelque chose, faites très attention, je vous préviens. Là, ce que vous allez dire pour une raison simple, c'est le cas de Maître Novakovic. Donc, si vous prenez la parole, que ce soit vraiment à bon escient, que ce soit un truc auquel elle n'avait vraiment pas pensé, que ce ne soit surtout pas une redite de ce qui était dit là, sinon, je vous promets, je vous le dis avec mes mots, que vous allez en prendre plein la chatte. Alors, je vais vous dire que c'est pas son genre. En tout cas, avec absolument. Moi, il y a qu'avec vous qu'elle rentre dans le chou. Et ce que je veux appuyer, c'est que s'il y a eu une erreur, elle ne peut venir que du déménageur et elle profite au consommateur, car le contrat fait loi entre les parties. Donc ça, donc Maître Novakovic, vous ne l'aviez pas dit, on est bien d'accord. Si, j'ai dit que le contrat a été signé entre les parties, ça vaut accord. Mais c'est pareil, c'est très bien dit aussi. Voilà, donc il n'y a pas de problème, c'est très complémentaire. On est bien d'accord. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. La vie est belle, une équipe soudée. L'amitié avant tout, mais surtout régler vos problèmes dans la bonne humeur. Et nous allons appeler cette entreprise de déménagement afin qu'elle puisse nous donner sa version des faits. Ça, c'est obligatoire. A tout de suite. Écoutez, vous êtes bien sur RTL. RTL, première radio de France. Leclerc. Oh cool papa, t'as repris des bananes chez Leclerc. Non, j'ai repris des bananes bio chez Leclerc. Elles sont bio? Oui, bio mais a pris Leclerc. Et le bio a pris Leclerc. C'est le bio pour tout le monde. Voilà, une petite banane bio. Chez Leclerc, le bio est réservé à tous. Du 30 octobre au 3 novembre, les bananes bio Cavendish, catégorie 2 calibre P20, origine République Dominicaine ou Équateur selon arrivage en magasin, sont à 1,19€ le kilo. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Papa, c'est quand même cool de pouvoir s'acheter des bananes bio. Eh oui. Et si on parlait Renault Occasion ? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau, ce village. Enfin, derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater, là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. En ce moment, dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Et Benoît, responsable du rayon frais, dit à une cliente. Pour vos enfants, vous avez un pack de 4 pots de crème dessert Danette, soit 500 grammes, offert pour l'achat de 3 packs à 1 euro, soit les 4 packs au choix à seulement 3 euros. Mais ils sont en colo. Oui, mais ça reste une bonne affaire. Très bonne affaire. Alors dépêchez-vous, les ventes privées live, c'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com, soit 1,50€ le kilo, transformé en France. U. Commerçons autrement. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Il n'a l'air de rien, mais c'est un très gros dossier que nous traitons ce matin. Parce que vous allez tous être amenés à déménager. Et vraiment, il y a beaucoup de conseils à vous donner. Mais là, ce qui se passe, c'est quand même très bizarre. Rappelons-le, Céline. Christian a payé 3200 euros à une entreprise de déménagement. Et on ne lui a pas livré tous ses meubles. À l'arrivée, on lui demande de payer 2200 euros en plus pour les récupérer. Des cartons disparaissent dans le circuit. On lui dit, ils sont dans un garde-meuble. Mais pour les récupérer, alors qu'ils étaient dans le camion au départ, il va falloir payer en plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc voyons si l'entreprise a une explication à nous donner. Charlotte, c'est parti, nous appelons à Thionville, où se trouve Vaglio Déménagement. Vaglio Déménagement à Thionville. Nous avons plusieurs noms. Voyons qui va nous répondre. Allez, il faut que ça réponde. Normalement, à 7h06, c'est ouvert. Alors, je sais qu'il y a un siège. Là, on appelle l'agence locale, apparemment, Charlotte. Oui, tout à fait. On peut appeler le siège. Attendons quelques instants. Laissons quand même 2-3 sonneries. La personne est peut-être allée se faire, et elle a tout à fait le droit. Je le fais moi-même. Un petit café à la machine à café. On entend que ça sonne. On se dit, bon, allez, ça coule. Il va résister un peu. Je vais y arriver. Tiens, je vais rajouter un peu de sucre. Ça sonne encore, mais il va patienter. Je vais répondre. Tiens, oh, mais tiens, il y a Dédé qui est là. Tu vas bien, mon Dédé? Alors, regardez le match? Oh, arrête. Je te dis que Messi est meilleur que Ronaldo. Mais non. Tiens, on va aller demander à Robert. Viens, on va dans son bureau. Eh hey Robert, il y a Dédé qui dit que Messi est le meilleur Ronaldo. Ça t'en pense, hein? Quoi? Oh, tu te plaisantes. Oui, ça sonne, ça va, t'inquiète pas, on va répondre. Pardon? Eh, hey, à midi, les gars, pizza. Ah non, non, non, ah non! Pizza! Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ça répond plus ? Ça a coupé. Voilà. J'ai essayé à ma façon de vous montrer ce qu'était la vie d'une entreprise. Bon, donc là, quand on appelle l'agence de Thionville, on n'y arrive pas. Donc, deuxième possibilité, heureusement, il y a un siège. C'est parti, nous l'appelons. Et ce siège se trouve, lui, à Metz. Vaglio Déménagement, bonjour. Oh, nous avons voilà. pris en compte votre appel et allons y donner suite. C'est quoi de la rumba, ça? Hello and welcome to Vaglio Déménagement. We have noted your call and we're going to connect. Contre-moi dans le camion. Allonge-toi dans le carton. Vaglio Déménagement. Ça répond bien. Mais vous savez, ces musiques ne sont pas choisies au hasard. Arrêtez de ricaner bêtement. C'est parce qu'il y a des chansons qui correspondent au métier. Mais évidemment. Ça répond pas non plus. Allô, Déménagement Vaglio, bonjour. Ah, bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes sur la radio RTL au moment où je vous parle et j'essaie d'aider un monsieur qui a un petit souci de déménagement avec Vaglio Déménagement, agence de Thionville. Pourrais-je avoir un responsable pour l'expliquer, s'il vous plaît? Nous venons d'appeler Thionville, personne ne répond malheureusement. Alors attendez, voir un instant de quitter. C'est très gentil, merci beaucoup. Donc cette dame va aller chercher un responsable, peut-être la gérante, madame Vigneschki. Carmen Vigneschki, responsable de Vaglio Déménagement. Vous récupérez l'appel, Charlotte, dès que quelqu'un répond. C'est pour quel client? Alors, c'est pour le client Christian Compan. Je vous explique, Christian Compan, il fait faire un devis, 44 mètres cubes. On lui dit que ça va coûter 4 700 pour aller de là où il habite à Alors, Bordeaux. Alors, attendez, ne quittez pas, va, monsieur. Ok. Alors, vous récupérez l'appel, ma chère Charlotte, dès que vous avez quelqu'un. La petite alerte que voici, ça veut dire qu'on a quelqu'un et on bascule immédiatement, Hervé, la communication sur l'antenne. Dans une seconde, nous aurons le cas de Jérôme. Il nous contacte parce qu'il a été victime d'un surbooking. Il devait partir en Colombie et finalement, il est resté planté sur le tarmac. Et il y aura un coup de gueule, Bernard Sabat? Ah, je suis pas content du tout, monsieur Courbet. Chauffez-vous la voix pendant ce titre et on se retrouve dans une seconde pour le coup de gueule de Bernard. Écoutez-moi ça. France Gall résiste. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Thank you.

bien, je suis arrivé à Orly et on m'a à l'embarquement, enfin pas à l'embarquement, mais à l'hôtesse d'accueil m'a dit que mon avion était complet. Au début, j'ai cru qu'elle faisait un petit peu d'humour. Et ben, en fait, non, mon avion était bien complet alors que j'avais réservé mon billet 2 mois avant. Alors ça, c'est à l'aller qu'il était complet ou au retour ? C'était à l'aller, je ne suis jamais parti en fait. D'accord, donc ça c'est à quel aéroport ? C'était à Orly. Et vous alliez retrouver votre petite copine là-bas, parfait. Donc à Orly, oui. On vous dit, monsieur, bien que vous ayez réservé et payé 716 euros, vous ne partez pas. Quelles sont les solutions que l'on vous propose ? On m'a proposé de prendre l'avion suivant, qui partait le lendemain. Et on m'a dit de ne pas m'inquiéter, que je pouvais dormir à l'aéroport. Le truc, c'est que j'avais une correspondance qui faisait Madrid-Cali. Et à Madrid, je ne savais pas si j'avais un avion pour rejoindre Cali le lendemain. D'accord. Et qui plus est, je crois que d'ailleurs, c'était 4 ou 5 jours après. Donc, je leur ai dit et ils m'ont dit, bah écoutez, c'est pas grave, on va vous laisser à Madrid pendant les 4 ou 5 jours et vous prendrez le vol qui suit. Bah, voyons. Je leur ai dit que c'était un peu absurde. C'est magique. Et puis... Mais vous loupez au moins le séjour à Madrid ? Oui, les nuits d'hôtel. Mais okay. Je tente à voir si j'avais de la place dans l'avion Madrid-Cali, quoi. Hein. Donc j'ai refusé. Et ils m'ont dit, bah on est désolé. Et donc, du coup, vous ne partez pas ? Et ben, du coup, on n'est pas parti, non. Donc, vous n'êtes pas parti. Et maintenant, il y a le remboursement du vol, je suppose, aller-retour. Il doit y avoir aussi d'autres choses que vous aviez peut-être payées. Vous demandez ça, plus une indemnité. Oui, bah pas une indemnité, non. Moi, je voulais juste qu'on me rembourse au moins vous mon voyage, quoi, et mes hôtels, puisque j'ai rien fait. Et ils m'ont dit, bah remplissez ça, une petite feuille là. Puis j'ai aucune nouvelle d'eux, quoi. Je voulais dire une chose. Souvent, on parle de compagnies low cost, etc. Là, c'est une compagnie française. Il faut le dire aussi, parce qu'on a souvent mis en avant. Vous voyez, la compagnie française, c'est formidable et tout. Le coup de gueule, tout de suite de Bernard Sabat. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. C'est parti. Alors écoutez, moi j'en ai marre de ce slogan. Le surbooking est un mal nécessaire, Julien, parce que ça permet évidemment de faire voyager plus de personnes, parce qu'on sait que chaque jour il y a des gens qui annulent pour des raisons médicales, des raisons professionnelles ou autres, et donc automatiquement ça laisse de la place et les avions vides, c'est jamais bon pour tout le monde, aussi bien pour le consommateur voyageur qu'évidemment le professionnel. Mais là on exagère tout simplement, comme c'est un algorithme qui choisit le passager qui ne va pas partir. La problématique, Julien, elle est importante. C'est que là, dans ce cas de figure, on prend quelqu'un en otage qui avait une correspondance, évidemment des hôtels qu'il avait achetés pour le futur. Et ça, c'est un vrai problème de fond, parce que je pense que l'hôtesse qui est à l'accueil devrait tenir compte d'une interview avec le chef d'escale des passagers en disant « Quelle est votre priorité ?» C'est ce qu'on appelle être volontaire, Julien. Le volontariat, ça existe. On propose au client de dire « Ne partez pas, on a une solution pour vous, et d'un autre côté, on va vous dédommager. » Au pire, vous ne partez pas parce qu'on est mal organisé, ok, mais tout de suite, on vous rembourse tout. Et dans ces cas-là, ça devrait être tout de suite. Il n'y a aucune raison que nous, on paie et qu'on attende après qu'on galère pour se rembourser immédiatement, et en plus on va lui dire, monsieur, je vous donne en plus un billet gratuit, etc. Mais c'est la loi, l'indemnité, non. Elle vaut 600 euros par passager. Ben, je vous coupe, Karine, il y a une alerte, je reviens vers vous, Jérôme, dans une seconde, car nous revenons sur le cas Céline. C'est le cas de Christian, on a ouvert l'émission avec lui, il a fait appel à une entreprise de déménagement, on lui a pas livré tous ses meubles, et nous sommes en ligne avec le gérant. Christian, je vous écoute, nous avons le gérant en ligne. Bonjour monsieur, madame. Vous avez l'agence de Thionville. Ah, c'est l'agence de Thionville, bonjour. Bonjour. Alors, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Je me permets de vous appeler car j'ai en ligne Christian Compan. Vous voyez de qui il s'agit ? Pas vraiment. Alors, non. Je vais vous expliquer. Un commercial est venu chez lui, il y a eu un devis. Je peux vous donner d'ailleurs les numéros de devis si vous voulez, etc. Donc, il a signé pour 4 719 euros pour un déménagement qui partait d'où pour aller où, Christian ? De Saint-Médard-en-Jalles, donc de Florange, Saint-Médard-en-Jalles, dans la Gironde. D'accord, donc il a payé ses 4 719 euros et à l'arrivée, il manque des cartons. Donc, il mène son enquête et là, il s'aperçoit que les cartons sont dans un garde-meuble. Et aujourd'hui, on lui dit pour récupérer ses cartons, car visiblement, son camion a servi à plusieurs déménagements, ce qui n'est pas un problème d'ailleurs, ces cartons, eh bien, il faut repayer... Combien, Christian ? 2200 euros pour un mètre cube de 21 mètres cubes. Voilà, donc on ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui était votre interlocuteur, Christian, chez Vaglio Déménagement ? Madame Sotas, mais le commercial, c'est M. Buvel. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider, madame, à qui puis-je m'adresser ? Vous demandez monsieur Le Letter. Monsieur Le Letter, là-bas. Bon, alors, on va rappeler le numéro. Mais tout à l'heure, quand on a appelé, on avait qui, en fait, quand on a appelé tout à l'heure Hervé Pouchol ? Alors, moi, j'avais une assistante qui m'a dit qu'elle était toute seule dans la société et que tous les commerciaux étaient en déplacement. Bon. Madame, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, envoyer un texto, je pense, à la gérante ? Là, on est sur RTL, il y a 2 millions de gens qui nous écoutent. Il se passe des choses quand même très bizarres dans ce déménagement. On comprend pas pourquoi ces cartons sont sortis tout d'un coup du camion pour se retrouver dans un garde-meuble. Et maintenant, d'après ce qu'on comprend, mais on doit se tromper, il y a une sorte de prise d'otage qui consiste à dire, si tu veux tes cartons, il faut rajouter 2000. C'est grave, vous voyez. Donc on doit se tromper, c'est pas possible. Absolument, mais il faut pas, que quelqu'un... Il faut que quelqu'un vous nous savez, parle. Nous, donc. On prend personne en otage. Et ben alors, il faut expliquer à ce monsieur, madame, que quelqu'un explique là très très vite à tous ceux qui nous regardent pourquoi les cartons ont disparu du camion en plein trajet et pourquoi ils sont dans un garde-meuble aujourd'hui et pourquoi il faut 2000 de plus pour les récupérer. Eh ben écoutez, moi je ne sais pas. À la base, il y a un certain cubage qui est chiffré, ouais. Et il y a un surcubage en fait, voilà. Mais le surcubage, c'est vos déménageurs qui l'ont mis dedans. Il faudrait que Monsieur Compan s'explique avec Monsieur Le Letter, et puis surtout qu'il réponde aux courriers et aux. Ah, vous êtes au courant du cas. Ben, très bien. Donc vous lui avez envoyé des courriers. Alors Christian, apparemment vous ne répondez pas aux courriers. Eh ben écoutez, moi pour l'instant j'ai reçu aucun courrier de leur part. Et moi j'ai envoyé donc un email. Et puis j'ai envoyé donc un courrier. Donc voilà. Madame de Vaglio, le courrier que vous lui avez envoyé, est-ce qu'il était en... Le courrier que j'ai eu. C'est pas moi qui gère. En fait, ce dossier maintenant, il est au contentieux. Moi, j'ai géré le déménagement. Non mais madame, vous pouvez pas me dire, maintenant, je ne m'occupe pas du dossier et dire en même temps sur l'antenne, il a qu'à répondre au courrier. Soit vous ne dites rien et on n'en parle pas et on appelle Monsieur Le Letter ou Madame Vigneschi. Eh ben voilà. Eh ben oui, mais vous me dites, il répond pas au courrier, donc c'est que vous vous mêlez du problème. Donc c'est pour ça que je demande à Christian si c'est vrai. Et lui, il dit qu'il n'a rien reçu. Vous avez envoyé une lettre recommandée ? Ah, mais moi, je n'ai rien envoyé du tout. Ah, mais alors pourquoi vous dites qu'il ne répond pas au courrier ? Je vous réponds, mais laissez-moi juste parler. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est le siège social qui gère, qui gère ce dossier maintenant. Ouais. C'est M. Le Letter. Et il faut que Monsieur. Mais comment vous savez que vous avez envoyé des courriers ? Bah parce que Monsieur Compan m'en a parlé et parce que j'ai eu mon directeur qui s'appelle Monsieur Le Letter et qui m'a dit qu'il attendait que Monsieur Compan se manifeste maintenant pour savoir quelle solution on peut lui proposer. D'accord. Bah déjà avoir une solution, c'est une explication. Mais on va appeler Monsieur Le Letter. Bon, merci. Donc on rappelle s'il vous plaît l'agence Vaglio à Metz. On se retrouve dans quelques instants. Merci Madame de votre gentillesse. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Moi aussi. On se retrouve dans une seconde sur RTL. Raison d'aller chez Carrefour. En ce moment, chez Carrefour, il y a un grand jeu où on peut gagner des Renault Twingo. Non mais gagner une Twingo, rien qu'en faisant ses courses, c'est pas la classe ça ? Résultat des courses, me reste plus qu'à passer mon permis et on est bon. Jusqu'au 19 novembre chez Carrefour, collectez des vignettes à chaque passage en caisse et participez au grand tirage au sort pour tenter de gagner l'une des 126 Renault Twingo. Vos magasins sont ouverts demain. Carrefour. Renault Twingo Life SE 70, jeu avec obligation d'achat. Règlement complet du jeu et liste des magasins participants est ouvert sur carrefour.fr. Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Aubrac, Salers. Les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs racés. Alors monsieur Dubois, vous êtes boucher spécialisé dans la Limousine. Tout à fait. D'abord parce que c'est une race de chez nous. Et puis là, on est sur des bêtes qui sont nourries au pâturage presque toute l'année. Hein. Au final, on a une viande d'exception, quoi. C'est-à-dire ? Ah ben un goût incomparable, hein. C'est fondant, avec un grain très fin, des saveurs qui s'expriment. Vous êtes un défenseur du goût, en fait. C'est ça. Alors moi, c'est de la Limousine, hein, mais j'ai des collègues qui préfèrent la Salers ou l'Aubrac. Et d'autres qui sont plus sur de la Blonde d'Aquitaine ou de la Charolaise, voilà. Que des viandes racées, quoi. Et surtout, bien élevées. Bazadaise. Blanc bleu. Rouge des prés. Partenaise. Gascogne. Les viandes racées, initiez-vous au plaisir racé. Alors, on se la fait, la belle maison du fond. Non mais t'es pas bien, toi. T'as pas vu qu'il y a une alarme d'Ethem? On est sûr de se faire griller. Viens, on se fait celle d'à côté. Jusqu'au 30 novembre, d'Ethem reprend votre ancien système d'alarme et vous offre 50% de remise sur les produits de détection extérieure. Rendez-vous sur www.detem.fr. Offre soumise à condition. Dormir comme un loir. Comme une bûche. Pour s'endormir, on peut toujours compter sur la nature ou sur L72, un médicament homéopathique aux 10 substances actives traditionnellement utilisées dans les troubles mineurs du sommeil. Nouvelle composition, ce médicament contient de l'alcool, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. À partir de 30 mois, chez l'enfant, prendre un avis médical. Laboratoire Lening. Le Leclerc. Juliette, ton père a racheté des galettes céréales bio chez Leclerc. Ah, bien. Galettes céréales orge, chèvre et miel par céréales bio avec 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc. 40% sur du bio. Et ça, il adore. Chez Leclerc, le bio est réservé à tous. Du 30 octobre au 10 novembre, le paquet de 200 grammes de galettes céréales orge, chèvre, miel bio, céréales bio avec 40% de réduction immédiate est à 1,50€, soit 7,50€ le kilo. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Voilà, le bio pour tout le monde. Pour votre santé, évitez de grignoter. Le cas de déménagement, il faut vraiment qu'on ait un interlocuteur. Cette histoire de voyage hallucinante, deux énormes cas à venir. Après les infos, puisqu'il est 10h. L'information, c'est avec vous, Mélina Fachin. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Une enquête sur toute la France est en cours dans l'affaire des bébés nés sans bras. C'est ce qu'annonçait sur RTL ce matin le docteur François Bourdillon, directeur général de l'Agence Santé Publique France. 11 nouveaux cas suspects ont été détectés dans l'Ain. Au total, ce sont donc au moins 18 enfants qui seraient nés avec des malformations des membres supérieurs dans le département entre 2000 et 2014. C'est le jour J pour les salariés d'Ascoval, les représentants syndicaux de l'acier ont rendez-vous ce matin à Bercy. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, va leur présenter les résultats du rapport chargé d'évaluer les perspectives économiques du site dans le Nord. Sur place, les salariés sont toujours aussi mobilisés. Cela fait maintenant une semaine qu'ils bloquent leur usine. 280 emplois sont en jeu. 40 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes, conséquence des fortes chutes de neige dans la nuit de lundi à mardi. Dans la Loire, 5 habitants, dont un enfant, impactés par ces pannes de courant, ont été hospitalisés la nuit dernière. Ils ont été intoxiqués chez eux au monoxyde de carbone à cause de groupes électrogènes. Jean-Yves Le Drian hausse le ton contre l'Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires étrangères était ce matin l'invité de RTL. Il est revenu sur l'assassinat du journaliste d'opposition Jamal Khashoggi au début du mois et a dénoncé un crime contre les droits fondamentaux de l'humanité. L'exigence de vérité n'est pas au rendez-vous pour l'instant, a-t-il ajouté. Le ministre ne s'interdit rien sur les éventuelles sanctions à prendre. Au Pakistan, Asia Bibi est enfin libre. Cette chrétienne, mère de 5 enfants, avait été condamnée à mort pour blasphème en 2010. Son seul crime avait été de boire l'eau d'un puits réservé aux musulmans. La sentence avait indigné la communauté internationale. Emprisonnée depuis, Asia Bibi a finalement été acquittée aujourd'hui et sera libérée d'ici peu. Enfin, cette délicieuse nouvelle, pour finir, le chef cuisinier marseillais Alexandre Madia vient d'être sacré cuisinier de l'année par le prestigieux guide Go et Mio dans son petit restaurant à M. Déjà auréolé d'une étoile Michelin, le chef de 42 ans sert notamment de l'anguille fumée au chocolat et cuisine plus de 200 épices. La Bourse de Paris ouvre en nette hausse ce matin, plus 1,43%. L'indice CAC 40 tourne autour de 5049 points. La météo, avec 5 départements du Sud en vigilance orange, pluie et inondation, l'Aveyron, la Lozère, l'Hérault, le Gard et le Var. Un ciel voilé ce matin des Hauts-de-France jusqu'au Pays de la Loire et ça va se couvrir au fil de la journée. Un ciel très nuageux sur la majeure partie du pays avec parfois des averses et des pluies orageuses dans le sud. Les températures cet après-midi, 10 degrés à Lille, Bordeaux, Belfort et Paris, 12 à Nantes et Bayonne, 14 à Brest, Cherbourg et Castres, 16 à Nice, 17 à Marseille et Perpignan et 21 degrés à Ajaccio. Les courses cet après-midi se jouent à Vincennes. Voici les pronostics de Claude-Pierre Santi. Le 10, le 12, le 8, le 4, le 3, le 14, l'As et le 9. La dernière minute de Claude, c'est le 8, USA Josselin. Il est 10h03 sur RTL. La suite de Ça peut vous arriver avec Julien Courbet. Merci beaucoup. Repartons tout de suite sur ces deux cas, car vraiment aujourd'hui, c'est du lourd. Point info sur ce qui s'est passé depuis 9h30. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Vraiment, deux cas d'école aujourd'hui avec celui de Christian. Il nous contacte parce qu'il a payé 3 200 € à une entreprise de déménagement. Finalement, on lui livre pas tous ses cartons et on lui demande de payer 2 200 € en plus. Vous avez bien compris que les cartons ont disparu pendant le trajet, ne sont pas perdus, ils sont dans un dépôt vente. Tu veux récupérer ces cartons, il faut payer. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'on estime qu'il y avait des cartons en plus, mais c'est pas lui qui les a mis dans le camion. Donc Maître Filonneau, je comprends pas. Elle nous parle d'un surcubage, ça voudrait dire que entre le jour où le commercial est venu faire l'évaluation à 44 mètres cubes et le jour du déménagement, il aurait, lui tout seul avec ses petites mains et ses petits pieds, rajouté plus de 20 mètres cubes. La moitié. Alors ça, c'est assez inouï. Et le jour de l'enlèvement, les déménageurs ont vu qu'il n'y avait pas les 44 mètres cubes. Il n'y a rien eu sur les lettres de voiture. Il n'y a pas de réflexion de la part des déménageurs. Il y a bien marqué sur le deuxième devis, il y a marqué « concerne le supplément de volume, soit 21 mètres carrés, non prévu à notre devis initial ». Mais une fois de plus, c'est unilatéral. Ça n'a pas été signé par notre auditeur ni accepté. Bon, alors nous avons appelé Vaglio Déménagement, Charlotte. Oui, exactement. Nous avons eu l'agence de Thionville en premier lieu. La personne que nous avons eue nous a conseillé de nous adresser directement au siège avec son responsable, Monsieur Léléter. Donc j'ai essayé pendant les informations de l'appeler. Il est en rendez-vous. Il sera disponible d'ici une dizaine de minutes. Super. On appelle dans 10 minutes Monsieur Léléter pour ce cas numéro 1. Et puis on va démarrer dans une seconde le cas numéro 2 qui là, lui aussi, mérite quelques explications. Jérôme devait partir en Colombie rejoindre sa petite amie. Finalement, impossible. Il est resté bloqué à l'aéroport de Paris sur le tarmac pour cause de surbooking. Mais surbooking, à la rigueur, pourquoi pas, mais c'est la façon dont a été géré le problème qui est juste hallucinante. On appelle dans une seconde sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, du caviar, ça vous dit? T'as vu les prix? Ah bah vous allez être surpris. En ce moment, c'est le retour des semaines de luxe. Et cette semaine, les 10 grammes de caviar français variété Bayery sont à 7,49€. Du caviar à 7,49€ les 10 grammes? C'est un canular. Ah non, c'est le vrai prix. Et je répète, du caviar français, hein. Alors les fins gourmets comme vous et moi... Toi, un fin gourmet? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 749€ le kilo, produits transformés en France. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Conforama, le confort pour tous. Le grand déstockage Conforama, c'est encore jusqu'au 12 novembre. Avec des remises jusqu'à moins 50% sur une grande sélection de produits. Moins 50%? Ce serait dommage de passer à côté, non? Conforama, conditions en magasin et sur Conforama.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Problème. Jérôme décide d'aller retrouver sa petite amie en Colombie. Pour cela, il part de Paris. Il y a une escale à Madrid qui doit ensuite l'emmener à Cali. Le problème, c'est que le Paris-Madrid, il est complet alors qu'il a réservé et payé. Du coup, on lui dit, tu vas pas pouvoir partir. Il dit, comment je fais? Il dit, mais tu vas quand même aller à Madrid. Tu resteras 5 jours là-bas pour le prochain vol pour Cali. Et il dit, moi, sur 12 jours de vacances, j'en passe 5 à Madrid. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait, ma petite amie? Il en est hors de question. Je reste. Et il a bien fait. Maintenant, il dit, vous allez me rembourser tout ça. On ne lui rembourse pas et on devrait même lui donner plus. Donc il y a eu le coup de gueule de Bernard Sabat. Vous l'avez fait votre coup de gueule? Oui, je l'ai fait, Julien, mais je voudrais rajouter quelque chose. Il devait être un peu fadasse, ça ne m'en rappelle même plus. Oh, j'étais très en colère, vous ne vous souvenez pas? Bah, écoutez, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, c'est une honte. C'est une honte déjà, hein, et on lui doit en plus de l'argent. C'est-à-dire qu'on doit lui rembourser les billets, comme vous le dites. Bon, ça, c'est important. Tout de suite, on rembourse. Mais deuxièmement, on doit lui donner une indemnité de 600€, Julien, parce que donc on a un vol qui fait plus de 4000 km. Ça, c'est la loi. Par contre, le souci qu'il y a dans ce cas de figure, Julien, et pour Jérôme, c'est qu'il a acheté des prestations sur un autre contrat. Et donc, malheureusement, la compagnie peut se retrancher en disant, écoutez, ouais, allez voir le juge. Moi, je n'y peux rien. Moi, j'ai vendu un billet d'avion. Le reste ne me regarde pas. C'est pour ça qu'on fait une règle d'or. Et cette règle d'or, je pense que c'est la 2000e fois qu'on vous la donne, mais on va vous la redonner encore une fois. La règle d'or sur RTL. Si vous voulez être remboursé de tout, vous achetez tout au même endroit. Vous achetez dans l'agence le billet, les prestations, etc. Sinon, si vous prenez deux canaux différents, après, malheureusement, c'est fait qu'on peut l'avoir dans le baba. Enfin, exactement. On peut toujours aller plaider sa cause devant un tribunal. Hein. Exactement. Il faut qu'il y ait l'addition de deux prestations, Julien, au moins de 24 heures. Donc, s'il avait pris donc le billet d'avion, une location de voiture, le billet d'avion, une nuit d'hôtel, ça suffisait. Malheureusement, Jérôme l'a fait séparément. Alors, donc, du coup, aujourd'hui, nous, on va réclamer le montant de tous les vols, l'aller et le retour. Donc, et on en est pour 1 450€ et l'indemnité de 600€. Et il va s'asseoir sur les prestations, malheureusement. Ça va être compliqué, ouais. Et c'est une compagnie française, hein, c'est une compagnie low cost, mais qui fait partie de la grande compagnie française Air France. Donc, il faut qu'il donne l'exemple. C'est étonnant, on ne peut Julien. Pas laisser passer comme ça. Alors, si ça s'est passé comme ça, on va leur demander. Mais là, franchement, c'est pas super sérieux, cette histoire. Donc nous appelons tout de suite Transavia, qui est la filiale low cost. Air France, exactement. C'est parti. Quelle galère quand même. Tu pars, t'as économisé, t'as réservé tes vacances, tu vas retrouver ta petite amie. Quand même, hein. Et là, on te dit, tu montes pas dans l'avion, on a vendu trop de billets. Bon, ben, trouvez-moi notre vol. Alors, l'autre vol, le problème, c'est que c'est dans 5 jours, donc tu vas aller à Madrid pendant 5 jours. Allô ? Bienvenue chez Transavia. Bonjour. Pour le français, tapez 1. 1. Pour English. Dans le cadre du suivi de notre qualité de service, nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré. Pour plus d'informations concernant vos droits, veuillez taper sur étoile. Pour une nouvelle réservation, appuyez sur la touche 1. Non. Pour toute autre information, appuyez sur la touche 2. Oui. Votre temps d'attente est inférieur à 1 minute. Nous vous remercions de bien vouloir patienter. Ben non, parce que... N'hésitez pas. Bon. Peut-être Maître Fellona a juste quelque chose à dire. On va voir si ça dure moins d'une minute. Bonjour Madame de Transavia. Je me présente, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Je suis en train de faire mon émission et je vais vous raconter l'histoire de mon auditeur et vous allez voir si vous pouvez me passer quelqu'un qui peut m'aider parce que c'est assez extraordinaire ce qui lui arrive. Jérôme Jarry, J-A-2-R-Y, a payé et réservé le 18 mars 2018 un vol Paris-Colombie via Madrid. Il l'a payé, 761 €. Quand il arrive à Paris pour partir donc à Madrid puis à Cali, puisqu'il y a une escale, on lui dit sur Booking, vous ne pouvez pas monter dans l'avion, on a vendu trop de billets. Il dit, on va vous mettre sur le prochain. Il dit, ok, mais il dit, moi j'ai une correspondance après pour aller à Cali. On lui dit, le problème c'est que votre correspondance, elle n'est que dans 4 jours maintenant, donc vous allez être 4 jours à Madrid. Il dit non, moi j'ai 12 jours de vacances, j'en passe pas 4 tout seul dans un hôtel d'aéroport à Madrid. Donc je ne pars plus. Ok, il part plus. Aujourd'hui donc, on lui doit le remboursement de son billet aller et retour. Il se bat pour l'avoir, il ne l'a pas. Et les indemnités de 600 € comme le prévoit la législation européenne et il n'a rien. Donc déjà, le pauvre, on lui a gâché ses vacances, il n'a pas retrouvé sa copine, 12 jours foutu en l'air, mais si en plus on le rembourse pas, ça fait quand même beaucoup pour lui. À qui puis-je parler chez Transavia, s'il vous plaît, madame? Alors, je peux vous mettre en attente quelques instants, s'il vous plaît, monsieur? Avec plaisir. Je vais vérifier le passage. Alors, je vous donne tout, si vous voulez, hors antenne, le numéro de surbooking, etc., tout ce que vous voulez. Je vous passe Bernard Sabat. Je vais donner Jean-Charles, j'ai juste une précision à vous apporter, oui. Julien, c'est important. Vous savez que quand on a un vol comme ça et qui n'est pas respecté par la compagnie aérienne, elle a l'obligation, dans les 24 heures, de vous acheminer, quel que soit le montant, le prix ou la compagnie. Donc, ça, et là, c'est on pas... l'a dit non. Mais là, on l'a dit non parce que la correspondance n'allait pas, mais il fallait trouver un vol via New York, via Madrid, via peut-être par Air France, exactement, par la grande compagnie. Exactement, via Londres, peu importe. Ou Air Colombie, oui. Oui, vous n'avez pas demandé les nuits d'hôtel qu'il n'a pas pu utiliser puisqu'il n'a pas pu se rendre sur place. Mais bien sûr que si, il faut les demander. D'accord. Elles ne sont pas prévues dans l'indemnisation automatique. Mais rien n'empêche de les demander, rien n'empêche à la compagnie de reconnaître ses torts et de les rembourser. Et après, s'il ne le fait pas spontanément, il pourra aller devant un tribunal. Mais on le réclame aujourd'hui. Bon, de toute façon, je vais vous dire, sur ce dossier, s'il y a bien quelque chose dont je suis sûr, c'est que si on le donne à nos amis de demandejustice.com, ça sera vite réglé dès l'envoi, à mon avis, du papier, parce qu'ils savent que de toute façon, Maître Novakovic, on n'a aucune chance devant un juge de dire non, on lui doit rien, c'est pas possible. Absolument, le dossier est absolument clair, et puis il pourrait même réclamer le paiement d'un préjudice. Oui, en plus, bon, alors on peut toujours rajouter des choses, mais là, en tout cas, nous, c'est le billet aller-retour, effectivement, les nuits d'hôtel sur place, et déjà, et l'indemnisation de 600 €. Donc elle cherche quelqu'un, cette dame? Oui, elle cherche, Julien. Bon, allez, on écoute Michael Jackson et nous reviendrons ensuite sur un cas passé récemment. Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Céline, nous enchaînerons sur quoi ? On reviendra sur le dossier de Laïka. Vous savez, elle est passée plusieurs fois dans l'émission. C'est cette esthéticienne qui a payé 8000 euros pour des meubles sur mesure pour son institut. Et les meubles, eh bien, n'étaient pas arrivés dans un très bon état. On ne peut pas passer les genoux sous les meubles. C'est ballot quand même, quand on est esthéticienne et qu'on doit recevoir des clientes et des clients. Nous allons voir s'il y a du nouveau dans ce dossier. C'est le 9h30, 11h sur RTL. Et pendant les 125 jours au champ, ce sont les nuits d'Astrid des gens qui changent. Avec 70% en cagnotte sur les couches Baby Dry Mega Pampers. Moins 70%. Astrid, Jean. Voyons les choses du bon côté. Maintenant, quand vous vous levez 5 fois par nuit, bah quelque part, vous faites 5 fois des économies. Jusqu'à mardi, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 70% en cagnotte sur les couches et culottes Baby Dry Mega Pampers. Et vos nuits changent. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, voire conditions en magasin. Magasin ouvert le 1er novembre, voire sur Auchan.fr. EDF Entreprise s'engage pour les professionnels en leur proposant des offres adaptées à leur activité comme le pack performance. Isabelle Afonso, conseiller EDF Entreprise, nous en dit plus dans un instant. Business Affaires. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Le Figaro Science tente de répondre en révélant les mystères de notre galaxie. Astronomes, philosophes et scientifiques essaient de prouver l'existence d'une autre intelligence. Le Figaro Science, le nouveau hors-série du Figaro, vous donne les clés de la connaissance. Actuellement disponible chez votre marchand de journaux. Non, je suis très content d'être à la retraite. Ça me fait juste bizarre de me dire qu'un jour, il va falloir que je laisse cette maison. Mais pourquoi tu dis ça ? Bah, parce que c'est la vie. Le contrat SMA de Prévoir, tu connais pas ? Solution maintien autonomie. Tu fais venir un conseiller Prévoir chez toi, gratuitement. Vous trouvez ensemble les solutions adaptées à tes besoins. Et après, chez toi, tu kiffes la life. Je quoi ? Bah, tu profites de la vie. Et c'est mon petit-fils qui m'a appris ça. Ah ! Prévoir, c'est plus de 20 ans d'expertise dans l'assurance perte d'autonomie. Rester autonome, c'est Prévoir. Tous les renseignements sur prévoir.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Cette émission est là pour régler vos problèmes sur RTL, vous le savez, mais aussi pour vous donner des règles d'or et j'aimerais que l'on revienne sur le cas voyage. C'est Jérôme qui nous contacte parce qu'il a été victime de surbooking. Il n'a pas pu prendre l'avion pour rejoindre la Colombie et donc il a dû annuler son voyage. Ce qui est fou, c'est qu'on ne lui a pas dit on va vous envoyer là-bas par n'importe quel moyen en payant une compagnie américaine, en payant, puisque lui c'était une compagnie low cost, on lui a juste proposé d'aller 4 jours à Madrid, attendre dans un hôtel d'aéroport que la correspondance, la nouvelle arrive. Et ça, c'est juste insupportable. Et en plus, pour l'instant, il a payé énormément de choses. Il a toujours rien. On pourrait au moins espérer que le remboursement arrive tout de suite. Donc, règle d'or sur le surbooking, parce que ça peut vraiment, maintenant, avec la multiplication... Avant, c'est vrai, c'était des problèmes de riches, les avions. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais maintenant... qu'on peut aller à Londres en partant de Bergerac pour 20 euros, etc. Tout le monde voyage, et c'est tant mieux. Malheureusement, le surbooking, il est là. La règle d'or sur RTL. Bernard Sabat. Alors écoutez, d'abord, le surbooking, c'est ce qu'on appelle la surréservation. Ça veut dire qu'on a vendu plus de places. Il faut parler au chef d'escale, pas à l'hôtesse, Julien. Au comptoir, on parle au chef d'escale, on le fait venir, on lui dit « Monsieur, j'ai un impératif, j'ai un problème important, j'ai une croisière qui démarre, j'ai un voyage, j'ai des nuitées, donc il faut que j'embarque. Débrouillez-vous pour me faire embarquer dans les 24 heures, c'est ce que dit la loi. Et trouvez-moi des solutions. » Et c'est ça ce qui est important. Il ne faut pas subir le chantage d'une compagnie, il ne faut pas accepter cette fatalité-là. C'est pour ça que je suis quelque part en colère et passionné quand je le dis, parce qu'on oublie que ce sont des passagers pour les compagnies aériennes. On a l'impression que c'est du bétail. Et ce n'est pas normal. J'ai un ami qui est une grande gueule et qui le revendique à qui c'est arrivé. Je vous assure que c'est vrai. Et on lui a dit pareil, non mais là on ne peut pas, on verra. Il a dit, bon, vous voulez un scandale ? Alors vous allez la trouver la solution. Et dans le hall, il s'est mis à hurler. Si on ne me trouve pas tout de suite un hôtel Transavia, machin, compagnie, la police qui arrive, là, le chef d'escale, montez monsieur, on a trouvé une place. Mais c'est malheureusement... On peut pas subir, vous avez raison Julien, c'est n'importe quoi. Sinon, mais il ne se, vous savez, on vous dit, on verra demain, mais enfin c'est des vacances, c'est des économies, c'est la petite amie. Enfin, on peut pas comme ça se dire, tu vas rester 5 jours dans un petit hôtel à l'aéroport de Madrid, et ta copine, tu la verras. Ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Ça ne leur coûte rien, je le dis, si, ça leur coûte un peu d'argent, oui, mais c'est normal, de les mettre sur un Air France, de les envoyer au Venezuela et après faire un Venezuela-Colombie. Exactement, ça leur coûtera cher, seulement ils veulent pas pas payé. Donc ça ne va pas. Il ne faut pas être faible, Julien, vous avez raison. Au niveau de la compagnie, Charlotte, on en est où, s'il vous plaît? Oui, la conseillère a retrouvé le dossier. Malheureusement, elle nous dit que c'est en cours de traitement et qu'elle ne peut rien nous dire. Alors, on va appeler la direction, si vous le voulez bien maintenant. Il faut que Bernard Sabat, parce que le côté en cours, ça aussi, il y a un moment donné, on l'a supporté, mais là, on devient vieux et acariâtre. Et après 20 ans d'exercice sur RTL, le côté c'est en cours, ça ne veut rien dire. Vous voyez, imaginez, ces gens qui vous disent c'est en cours, ils iraient à l'hôpital où leur enfant serait opéré et on dirait, vous pouvez me donner des nouvelles de mon fils, c'est en cours, ça marcherait ça pas. Ça date du 5 mai, hein, Julien. Pardon ? Ça date du 5 mai, quand même. Hein. C'est pas en cours, c'est en marchant, là, visiblement. Elle est bonne, celle-là. Ah, excellent. J'étais là. Rarement des bonnes, mais je suis assez content de la mienne. C'est bien. Et elle est venue comme ça, je ne l'ai même pas préparée. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous avez raison, Maître Novakovic, qui tout d'un coup vient de s'apercevoir qu'elle était à la radio. Nous allons donc enchaîner sur quoi, Céline ? Sur le dossier de Laïka, elle est esthéticienne. Elle a fait faire des meubles sur mesure pour son nouvel institut. Elle ne peut pas ouvrir son nouvel institut parce que les meubles, eh bien, ne sont pas aux bonnes dimensions. Du coup, nous, on avait prévu d'envoyer toutes les filles du studio chez elle. Eh bien, voilà, nous travaillons avec des femmes mal épilées. Et il faut donc régler ce problème. On se retrouve après avoir écouté ceci pour le cas de Laïka. Julien Clerc poursuit jusqu'à la fin de l'année la grande tournée de ses 50 ans de chansons à travers la France avec RTL. Sous mon arbre est le nouvel extrait de son dernier album, À nos amours. Sous un grand arbre, j'ai poussé une sorte de vieux marronnier. Au centre d'une cour carrée, majestueux, dans ses racines j'ai puisé la sève des grandes traversées. Et mon pays, je l'ai trouvé dans tes yeux. Sous mon arbre, je me balance, me repose loin du cours des choses. Sous mon arbre, je me balance, c'est la pause. J'ai fait grandir tout mon feuillage, j'y ai mis mes enfantillages. Et nos enfants de tous les âges, merveilleux, j'ai fait durcir un peu l'écorce pour nous donner le cœur, la force de voir la vie et ses entorses tous les deux. Sous mon arbre, je me balance, je me repose. Je me balance, c'est la pause. On a bâti notre cabane, nos petits dans tes bras de liane. À l'abri, tu berces mon âme avec eux. Sous mon arbre, on se balance, ensemble on retrouve les gens. Grandiose. Julien Clerc, sous mon arbre, sous son arbre, ou peut-être le petit Napo est venu faire son petit pipi, puisque Napo, je vous le rappelle, est la mascotte de l'émission RTL. Napo est un jeune labrador qui va devenir chien guide d'aveugle, et nous avons décidé d'aider une personne non-voyante que nous ne connaissons pas pour l'instant, mais que nous connaîtrons prochainement, qui aura le droit à ce chien. Et c'est pour nous une façon de dire, le chien est le meilleur ami de l'homme, respectons-le, aimons-le, quand on voit toutes les tragédies que l'on entend chaque jour. Voilà, il sera notre mascotte, on aura de ses nouvelles régulièrement, des photos, ce sera un peu votre chien, notre chien. Alors si vous pouvez donner 2 euros, 3 euros, il nous faut 25 000 euros pour pouvoir le former. On donne le nom de la cagnotte, on va sur internet, Litchi. Litchi, c'est la cagnotte Litchi, elle s'appelle... Offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL. 11h-12h30. À la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Il y a une dame en entrant qui m'a dit « Alors, vous allez faire le show ?» Il faut jamais me dire ça. Non, non. Jamais, parce que je viens en ami. Et oui, il nous fait l'amitié de venir sur RTL. Ce sera sa seule émission de radio pour nous parler de son dernier film, Un homme pressé, où il était époustouflant. Fabrice Luchini est dans À la bonne heure. Et la bonne heure sur RTL, c'est à 11h. À tout à l'heure. Intermarché vous propose d'écouter Un jour férié. Ah mais non, le jeudi 1er novembre, votre Intermarché reste ouvert. Intermarché, tous unis contre la vie chère, selon magasins participants. Vendredi soir à 22h55, Marc-Olivier Fogiel vous donne rendez-vous pour Le Divan sur France 3. Vous l'écoutez tous les jours sur RTL, mais vous allez découvrir un Stéphane Bern que vous ne connaissez pas vraiment vendredi sur Le Divan. Une éducation à la dure, pas un jour sans une gifle, ses débuts télé corsetés, si loin de sa liberté d'aujourd'hui. Une renaissance, une famille qu'il s'est reconstituée. Bref, vous n'écouterez plus Stéphane Bern de la même façon, après son Divan. En partenariat avec RTL. Dis papy, comment tu fais pour chauffer ta maison sans cheminée ? Avec la pompe à chaleur Viessmann. Elle chauffe la maison en hiver et elle la rafraîchit en été. C'est pratique et économique, hein ? Et tout ça sans bruit. C'est vrai qu'il fait toujours bon chez toi ? Avec la qualité des pompes à chaleur Viessmann, vous avez la garantie d'un confort thermique tout au long de l'année. Et vous réduisez enfin vos dépenses et votre impact sur l'environnement. Avec votre nouvelle pompe à chaleur Viessmann, profitez de 30% de crédit d'impôt. Retrouvez l'installateur formé au produit Viessmann le plus proche de chez vous et ses offres de financement sur Viessmann.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL revient sur le cas de Laïka. Réécoutons ce que nous avait dit Laïka sur l'antenne d'RTL. Je vous appelle des Yvelines. Je suis prothésiste ongulaire pour les ongles. J'ai donc fait appel à un artisan pour la réalisation de plusieurs meubles sur mesure. J'ai tout payé, soit 8242 euros. Il y a tellement de malfaçons que je ne peux ouvrir mon institut. Les placards ne sont pas à la bonne hauteur et les jambes de mes futures clientes ne passent même pas sous le meuble. Ça, c'est embêtant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus avant de donner des nouvelles, Maître Felloneau, sur ce qui s'est passé sur l'antenne ? C'est que visiblement, les plans qui ont été établis par un professionnel, par un architecte d'intérieur, qui a l'habitude d'ailleurs de travailler avec ce menuisier, n'ont visiblement pas été respectés. Et nous attendons avec impatience des nouvelles de ce menuisier que nous avons cherché à plusieurs reprises. C'est un peu le Roland Garros du meuble, avec au service tout de suite l'architecte. C'est la faute de l'artisan. Artisan ? Les plans étaient pas bons. Architecte, la faute à l'artisan. Artisan, les plans étaient pas bons. On va bien voir qui va gagner le point. Donc on rappelle qui très exactement maintenant. Nous avions eu l'architecte qui confirmait les problèmes. Puis nous avions eu Madame Leborgne, l'assistante de Monsieur Simonotti, gérant de la CST à Saint-Denis. Elle devait lui laisser un message. Céline. Alors j'ai recontacté son assistante suite à l'émission qui m'a dit « Le gérant est en vacances, on vous rappelle. On ne m'a jamais rappelé. J'ai laissé de nombreux messages et je n'ai pas de nouvelles. » Donc nous rappelons la CST, 21 rue de la République. Donc la CST, c'est ceux qui ont fait les meubles. Hein, on est bien tout d'accord. À fait. La CST, et nous avions eu l'architecte qui nous avait confirmé que les plans étaient bons. Ben oui, ça, il n'allait pas dire que son travail était mauvais, non, mais non, mais ça nous aurait étonné. Mais il est évident que le fait que les jambes ne passent pas n'est qu'un problème parmi les autres. On appelle la CST à Saint-Denis, s'il vous plaît, Charlotte, le numéro de Monsieur Simonotti. On raccroche, s'il vous plaît, Charlotte. On lance le numéro de l'assistante de Monsieur Simonotti, Fanny Leborgne. Ce que vous demandez n'est pas attribué. Donc, visiblement, Madame Leborgne a changé de numéro. Alors moi je l'ai eu en ligne en tout cas il y a quelques semaines et je lui ai laissé des messages très récemment et j'ai pas eu ce problème de messagerie. Bon, c'est pas grave. Alors on a, mais on va le faire en antenne, un troisième numéro qui vient de sortir du chapeau, lequel ? Alors en fait c'est notre amie Laïka, l'auditrice, qui nous a donné ce numéro. Ce serait celui d'une personne, d'un ami certainement, du gérant de la société avec qui il est en collaboration dans une autre société basée à Paris. Ouais, mais d'accord, mais lui il n'a rien à voir avec la société de... Non, mais c'est un numéro pour essayer de le joindre également et il peut répondre sur ce numéro. Non, pas sur l'antenne, on le fait hors antenne, on n'appelle pas des gens qui auraient rien à voir dans le dossier sur l'antenne. Ça, c'est quand même la moindre des choses. Donc, vous l'appelez, vous essayez de voir s'il peut nous passer. Donc, je pense qu'il va falloir, là, Maître Novakovic, que Laïka commence à penser à nos amis de demanderjustice.com. Et non, on est à 8242, donc là, on dépasse. Oui, oui, non, pas parfaitement. Elle peut parfaitement, c'est le tribunal d'instance. Ah, jusqu'à 10 000 euros, vous pouvez saisir le tribunal d'instance. Ah, oui. Donc, elle peut non seulement... Mais demanderjustice.com, ils le font pour... Absolument. Pour 10 000 euros, ils le font. Je ne sais pas s'ils font pour... Si, ils le font. Ils font tous les litiges où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, ce qui est le cas pour les litiges devant le tribunal d'instance inférieur à 10 000. Voilà. Donc, on va leur transmettre en le fait, dossier. Il faut savoir pour les auditeurs que tout ce qui est du ressort du tribunal d'instance, c'est jusqu'à 10 000 euros inclus. D'accord. Donc, vous pouvez saisir à ce moment-là. C'est une procédure gratuite, pratique. Et dans ce cas d'espèce, ça fait trop longtemps que ça dure, elle doit absolument saisir le tribunal. Laïka, donc on va transmettre gentiment votre dossier, si vous nous le permettez, à demanderjustice.com qui va faire les démarches pour vous. Nous allons continuer à appeler pour qu'il nous donne, parce que ça, c'est mon boulot, hein, de pouvoir avoir sa version des faits. Vous en avez donné une. Moi, je dois écouter les deux sans juger. Donc, il faut que j'ai la version de Christophe Simonotti ou de Fanny Le Borgne, son assistante, de la CST, CST 21 rue de la République, à Saint-Denis, dans le 93. Je vous tiens au courant, Laïka. Céline, vous me marquez ça sur le cahier pour qu'on les rappelle dans les jours qui viennent. Et Alain Hazard transmet votre dossier. Nous passons à l'arnaque en temps réel, si vous le voulez bien. Mais une alerte apparemment, but à Guingamp. C'est le cas de Jérôme, vous savez, le souci avec l'avion. Oui. C'est Jérôme qui souhaitait partir en Colombie. Finalement, il n'a pas pu parce que l'avion était plein. Et puis, parce qu'il avait payé en plus son billet, que la seule solution qu'on lui proposait, c'était d'aller passer 4 jours dans un hôtel d'aéroport à Madrid, le temps qu'il trouve une correspondance, alors qu'ils doivent le rapatrier immédiatement. J'ai pu joindre la direction de Transavia, qui est surpris évidemment du dossier et de la non-traitance de ce dossier-là. Donc, à partir de là, Julien, ils vont revenir vers moi très, très rapidement. Bon, donc on va donner rendez-vous à notre auditeur dans les jours qui viennent, voire heures qui viennent. Je suppose que la direction ne va pas laisser passer ça. Oh non. Si les choses se sont passées telles qu'elles ont été dites sur l'antenne d'RTL. Donc je vous dis à très très vite, on s'occupe de votre problème et j'ai très bon espoir. Est-ce qu'on est d'accord, Jérôme ? Merci Julien, oui on est d'accord. Je vous en prie, dites-moi Jérôme, maintenant rassurez-nous, vous n'avez pas pu partir là-bas, mais tout se passe bien avec votre copine, parce que 12 jours sans vous voir, hein, on est bien d'accord. Eh bien, en fait, j'ai repris un billet 15 jours après pour aller la revoir, mais du coup j'avais plus les moyens de prendre les hôtels que j'avais déjà pris et plus les vols intérieurs. Et du coup, on est resté un petit peu en froid. Voilà. Mais c'est ça les conséquences aussi, mesdames et messieurs. Oui, voilà. C'est aussi ça. Les conséquences, c'est le préjudice, bien évidemment. Je suis désolé de vous avoir posé la question, mais au moins, ça prouve la gravité. Si les gens de la compagnie aérienne nous écoutent, ils sauront qu'il faut maintenant quand même vous indemniser. Allez, dans une seconde, c'est l'arnaque en temps réel. Merci, on s'occupe de vous. Ne vous inquiétez pas, RTL est là. Merci beaucoup. Merci, Julien. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Doors of time. sais. Queen, A Kind of Magic. Courez voir Bohemian Rhapsody au cinéma, l'excellent film de Bryan Singer qui retrace le destin exceptionnel de Freddie Mercury et l'histoire du groupe Queen. Il sort aujourd'hui. Et moi, je vous donne rendez-vous le 10 novembre. Le 10 novembre au Casino de Deauville pour jouer mon one-man show. Et croyez-moi, on va se marrer ensemble. 10 novembre à Deauville, 17 à 3. 1er décembre, je suis au Casino d'Enghien-les-Bains. Et ça sera So Good et... Et c'est avec RTL. Alexandre, client Netatmo. Quand on est médecin, les imprévus, ça fait partie du métier. Mais pour assurer le confort de ma famille, pas question d'improviser. Notre appartement est équipé d'un chauffage collectif et j'ai installé sur mes radiateurs des têtes thermostatiques intelligentes Netatmo. Depuis, c'est ambiance cocooning à la maison. Je peux choisir la température idéale pour chaque pièce. Ça me rassure de les savoir bien. Et avec les économies que je fais, je vais pouvoir encore plus les gâter. Comme Alexandre, choisissez Netatmo, des solutions de chauffage intelligentes pour allier confort et économie. En ce moment, jusqu'à 50 euros remboursés sur nos solutions de chauffage intelligentes. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Sur RTL. Savez-vous ce qu'est la glottophobie ? Une discrimination qui a pour conséquence le rejet de celui ou de celle qui parle avec un accent. Peut-on avoir honte de son accent ? On fait le point cet après-midi avec vos témoignages de 15h à 16h dans En effet pour s'entendre sur RTL. Intermarché vous propose d'écouter 2 plus 1 gratuit. Le meilleur, c'est les noirs. Hein. Puis il y a les bleus. Pas besoin, juste pour vérifier. Tiens, les bleus. Jusqu'au 4 novembre chez Intermarché, pour l'achat de 2 paquets de Megafed Dragibus Halloween Haribo, le 3e est offert. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le paquet de 960 grammes. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais qu'est-ce qui te prend ? Eh ben le compte à rebours a commencé. Comment ça ? Pendant seulement 6 jours, Samsung rembourse 300 euros sur les lave-linges Quick Drive. Quick Drive, le lave-linge ultra rapide ? Le lave-linge ultra rapide. 300 euros ? 300 euros. Seulement 6 jours ? Seulement 6 jours. Eh ben alors vite ! Attends-moi. Mais oui, vite ! Jusqu'au 31 octobre, profitez des 6 jours exceptionnels Samsung Quick Drive. 300 euros remboursés sur tous les lave-linges Quick Drive en modèle 7 kg. Voir détails de l'offre sur samsung.com. Avec le mois Carrefour Market, c'est le best-of des promos. Tutut, attention, convoi exceptionnel. Michel, mais qui sont ces beaux bébés ? Ce sont les petits jumeaux de mon cousin. Vous tombez bien, car pendant le mois Carrefour Market, c'est le best-of des promos, même sur les produits bébés. Le deuxième pack de couches Pampers Baby Dry est remboursé à 100% sur la carte fidélité. Vous entendez ça, mes petits canards ? C'est jusqu'au 11 novembre. En plus, tous les mercredis, il y a 10% d'économies supplémentaires. Alors on y va ! Carrefour Market. Vos magasins Carrefour Market sont ouverts demain. Le pack de 50 changes taille 3, modalité et magasins participants sur carrefour.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Alors il y a quand même des priorités avant de passer à l'arnaque en temps réel. C'est le cas de Daniel. Daniel nous avait contacté parce qu'il a versé un acompte de plus de 3500 euros pour une cuisine. Ça c'était en mai 2017 et depuis, pas de nouvelles. Eh bien Daniel, donc, comme nous n'avions eu personne, déjà on va lui dire bonjour, bonjour Daniel. Bonjour Julien. Oh bah Daniel, Daniel, vous étiez certainement en train de faire autre chose, mais ce n'est pas grave, vous avez tout à fait le droit. Maintenant, je réattaque sur votre cas. Charlotte, vous aviez hors antenne laissé des messages à Cuisine et Cuisine, puisque c'est le nom de ce magasin. Effectivement, à son gérant, Monsieur Hucard, qui m'a rappelé dans la foulée pour m'expliquer qu'il avait une version totalement différente de celle de Daniel, donc il est en ligne avec nous, il va vous l'expliquer. Donc, bonjour monsieur, merci de nous parler, vous avez Daniel qui est en ligne avec nous. Quant à vous, monsieur, je vais vous redire quand même en deux mots ce que nous a dit l'auditeur, comme ça vous allez pouvoir rectifier et les auditeurs vont pouvoir se faire une idée. Est-ce qu'il m'entend ce monsieur ? Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Daniel nous dit, en mai 2017, je commande une cuisine, je signe un devis, je paie un acompte de 3536 euros sur un total de 8000 euros. Sur le bon de commande, il est spécifié que la livraison aura lieu durant la deuxième quinzaine de septembre. Il est également noté plus loin que le délai maximum de mise à disposition de la commande est de 8 semaines. Pourtant, pendant de longs mois, vous n'avez aucune nouvelle de la société. Après avoir patienté en début d'année Il a une maladie, Daniel, puisqu'il souffre d'une sclérose en plaques. Ça aggrave et remet en cause tous ses projets. Il va devoir déménager, il n'a donc plus besoin de cette cuisine. Étant donné le retard de livraison, il estime légitime sa demande d'annulation. Il annule sa commande en février 2018 par téléphone d'abord, puis par mail en mars 2018. Et aujourd'hui, il dit que ça ne bouge pas. Voilà sa version, nous écoutons la vôtre, monsieur. Alors, effectivement, monsieur l'ermite a passé commande d'une cuisine dans notre agence de Rouen. Donc, il a signé un bon de commande pour une cuisine. À la suite, il me semble, de deux rendez-vous avec un commercial. Il a effectivement établi un chèque de 3 536 € en acompte. Et cet acompte-là, on a pu l'encaisser que en janvier 2018 pour différentes raisons, parce que monsieur l'ermite a sans cesse repoussé la date de mise en banque. Je sais pas si je dois vous dire les raisons pour lesquelles nous a demandé de les repousser. S'il veut dire, Daniel, alors, on va lui demander. Daniel, voilà, est-ce qu'il est vrai que vous avez demandé, alors que vous avez commandé en mai 2017, que le chèque soit encaissé en janvier 2018? Non. Mais alors, vous nous dites, monsieur, c'est lui qui nous a demandé de ne pas encaisser le chèque. Monsieur Courbet, quand le bon de commande est signé et quand le chèque est remis, on pose toujours la question au client de savoir si on peut l'encaisser ou si la personne doit faire un virement de compte à compte pour ne pas la mettre en difficulté. Okay. Donc, monsieur l'ermite nous a dit qu'on attendait un petit peu, qu'on pouvait certainement l'encaisser la semaine suivante. Et lorsque le commercial l'a rappelé, il a expliqué qu'il était en instance de séparation, de divorce, qu'il avait vu avec son avocat, qu'il ne savait pas trop combien ça allait lui coûter et qu'on n'encaisserait pas le chèque jusqu'à son ordre. Parce que quel serait l'intérêt pour nous, si vous voulez, de prendre un chèque en mai 2017 et de l'encaisser qu'en janvier 2018, okay, si ce n'est pas le client qui le demande. Ce point a été signifié. Passons maintenant au délai de livraison. Oui, alors le commercial a relancé M. l'ermite jusqu'en janvier 2018 et le 5 janvier 2018, on a pu encaisser le chèque. À la suite de cela, le maîtreur est parti. Alors, attendez, non, je suis obligé de vous couper parce que là, on est au cœur du problème. Je vois qu'il y a date de livraison, deuxième quinzaine de septembre 2017. Comment se fait-il que le maîtreur arrive qu'en 2018? Alors, parce que la cuisine a été repoussée par Monsieur l'ermite, parce qu'on pouvait pas encaisser son chèque d'acompte. On peut pas. Alors, monsieur, on va être très clair. Ça va être la parole de l'un contre la parole de l'autre. Est-ce que vous avez un écrit de sa part? Non, effectivement, mais monsieur, si vous voulez, si moi je mets une date de livraison souhaitée. Si mon client m'appelle derrière, en disant, mais le client il dit qu'il a pas appelé, monsieur. C'est vous qui le dites. Voilà, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Est-ce qu'il y a un écrit? Mais on a eu des échanges puisqu'il m'a demandé de repousser de. Alors, pouvez-vous m'envoyer, s'il vous plaît, l'écrit dans lequel il vous dit qu'il repousse la cuisine et le dossier, il est terminé? Non, j'ai pas d'écrit de sa part, mais nous ne sommes pas procéduriers. Mais monsieur, Daniel, il dit que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Il vous dit pas que c'est pas vrai, puisque tout à l'heure. Alors, Daniel, je lui pose la question. Donc, Daniel, nous sommes sur RTL. Est-ce que vous avez dit. Attention, Daniel, si vous mentez, c'est tant pis pour vous. Est-ce que vous avez dit à ce cuisiniste, monsieur, n'encaissez pas le chèque, tout de suite? Non, je n'ai jamais dit ça. Voilà. Et donc, est-ce qu'on est d'accord, monsieur, de cuisine et cuisine, que du coup, vous, votre version, c'est de dire, comme il m'a dit de ne pas encaisser le chèque, j'ai pas lancé la fabrication? Oui, bien sûr. Je n'ai pas lancé la fabrication tant que je n'avais pas encaissé le chèque d'acompte, ce qui est normal. Bon. Alors maintenant, il faut sortir de ce problème parce que vous allez aller devant un tribunal. Le juge va dire, vous pensez bien que s'il suffit de dire « il m'a dit, demain je braque une banque », le juge va me dire « vous avez braqué la banque », je vais dire « non, je ne l'ai pas braqué ». Ok, vous êtes libre. Donc il va falloir amener des papiers. Donc aujourd'hui, excusez-moi monsieur, trouvons un accord, puisque de toute façon, vous n'avez pas une seule preuve que ce monsieur a demandé. Courbet, nous ne sommes pas procéduriers. Moi, si j'allais en procédure, j'ai mes conditions générales de vente, j'ai tout ça, mais bon, on n'est pas procédurier, et comme vous dites, voilà, nous, notre intérêt, c'est la satisfaction de nos clients. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, écoutez, on va lui rembourser son acompte. C'est très gentil, monsieur. Bravo, cuisine et cuisine. Mais par contre. Mais non, bien, monsieur, c'est moi qui vais vous donner un conseil, monsieur. Quand monsieur me dit que, effectivement, par rapport au divorce, toutes ces choses-là, c'est pas des choses que j'invente, hein. D'accord. Et moi, il faut bien comprendre une chose, c'est que je n'ai aucun intérêt à laisser un chèque dans un tiroir pendant 9 mois. Quel est le commerçant qui ferait ça? D'accord. Alors, monsieur, moi, je vais vous donner un conseil pour que ça n'arrive plus. Vous voyez, pourtant, je ne suis pas vendeur de cuisine. Dorénavant, si vous ne voulez aucun ennui, quand le chèque vous l'avez, vous l'encaissez, ou alors vous marquez. La commande sera effective uniquement quand l'acompte sera encaissé. si vous marquez... C'est marqué dans les conditions générales de vente, monsieur Courbet, mais je ne veux pas en venir là, moi. C'est marqué dans les conditions générales de vente. Non, non. Mais là, voilà, où vous avez raison, effectivement, bon. Okay. Là, effectivement, là où vous avez raison, ouais. il faut qu'on soit plus méfiant. Ça marche. Il faut qu'on soit plus méfiant. Exactement. Parce que, voilà, en tout cas, merci à vous, monsieur. Daniel, vous bravo. M'appelez dès que... Et bravo à vous. Dès que vous avez le chèque, Daniel, vous m'appelez. Et comme ça, on félicitera, comme il se doit, ce professionnel de cuisine et cuisine à Rouen, de Ville-les-Rouen. D'accord, Daniel ? Merci. D'accord. Bah allez, vous m'appelez dès que vous avez le chèque. On tout de suite sur l'antenne merci. D'RTL. EDF Entreprises propose des offres et services adaptés à ses clients professionnels. Isabelle Afonso, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller EDF Entreprises et vous allez nous parler du pack performance. Alors, de quoi s'agit-il au juste ? Eh bien, le pack performance d'EDF Entreprises, c'est à la fois un contrat de fourniture d'électricité et un service de suivi de consommation sur une durée de 3 ans pour aider le client à maîtriser sa facture. D'accord. Et comment ce pack performance simplifie-t-il la vie des professionnels ? Eh bien, par exemple, une entreprise peut suivre sa consommation d'énergie sur une plateforme dédiée. Elle va recevoir des alertes en cas de dérive, elle peut même partager les informations avec ses collaborateurs et réagir rapidement et efficacement si besoin. Et pour le contrat de fourniture d'électricité ? L'offre protège le client des hausses des prix du marché de l'électricité pendant une période de 3 ans. Si les prix diminuent, il bénéficie alors de cette baisse. C'est une offre simple, il n'y a aucune obligation de consommation et puis pendant cette période, le client peut se concentrer sur son activité. Très bien. Et si on veut se renseigner sur ce pack performance ? On va tout simplement sur le site d'EDF Entreprises où on appelle son conseiller au 3022. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. Business Affaires. Appel gratuit. Voir caractéristiques et conditions des offres sur edf.fr/entreprise. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ils sont ouverts. Ouverts. Les supermarchés Lidl sont ouverts demain, jeudi 1er novembre. On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché exceptionnellement ouvert le jeudi 1er novembre. Informations et horaires sur Lidl.fr. Conforama, le confort pour tous. Encore un bon plan Conforama ! Avec la carte Confo Plus, bénéficiez de 50% de remise immédiate sur une sélection de literies. Vous n'avez pas encore la carte ? Demandez-la en magasin ou sur Conforama.fr pour en profiter. Conforama, jusqu'au 12 novembre, conditions en magasin et sur Conforama.fr. J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. C'est vrai, c'est gentil, Pascal. Je dois t'avouer que j'ai été séduite par... L'alerte discount, je dois filer. Aujourd'hui, il y a moins 30% de remise immédiate sur les bonbons Netto. On ne peut pas lutter contre une alerte discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Non, on va finir par faire un infarctus dans cette émission. Ouais. On revient sur le déménagement, Céline. Oui, c'est le cas de Christian. Il a payé 2 000 € pour un déménagement. Finalement, on lui demande de payer encore pour récupérer ses meubles. Alors, qui est en ligne, s'il vous plaît ? Vous avez le Hervé. Directeur de Vaglio Déménagement. Ah, parfait. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, vous allez bien ? Très très bien, Julien Courbet. Donc, est-ce qu'on vous a expliqué le cas ? Je le connais très bien. Alors, que s'est-il passé pour vous, puisque Christian nous dit « J'ai payé 4 719 €, 44 mètres cubes pour aller d'un point A vers Metz, un point B vers Bordeaux. À l'arrivée, je m'aperçois qu'il manque 21 mètres carrés, soit la moitié. » Là, j'apprends qu'ils sont dans un garde-meuble et on me dit, pour récupérer ces 21 mètres carrés, il faut rajouter 2 000 €. Voilà. Qu'en est-il de votre côté ? Alors, qu'en est-il ? On a bien effectué une visite technique chez ce monsieur en fonction de ce qu'il nous a montré à transporter. D'accord ? Donc, il y a un technico-commercial qui s'est rendu sur place. On a fait une évaluation. D'accord ? L'évaluation, elle s'est révélée à 44 mètres cubes. On a établi un devis de 44 mètres cubes en fonction des éléments qu'on nous demande de transporter. Est-ce que vos hommes oui. ne se sont pas aperçus qu'il y avait plus que prévu ? Ben bien sûr, c'est ce qu'on lui a dit. Alors, et lui, vous lui avez dit en bas du camion, monsieur en charge plus, et vous êtes... Évidemment. Alors, Christian, il paraît qu'au cul du camion, lors du déménagement au départ, les gens vous ont dit, attention, ces 20 mètres cubes là, ils sont en trop. Il va falloir que vous payiez, on va... Et alors, vous lui avez dit qu'on ne les emmène pas, vous lui avez proposé quoi ? Le chef d'équipe l'a prévenu qu'il y avait un cubage complémentaire. D'accord, et lui vous a répondu quoi ? Ah ben qu'il fallait lui vider la maison. Voilà. D'accord. Christian est en ligne, donc c'est parole contre parole. On verra s'il y a des écrits après, puisqu'on le sait, devant un tribunal, seuls les écrits comptent. Christian, est-ce que vous me confirmez que Vaglio Déménagement vous a dit, monsieur, ce qui pourrait être possible ? Il n'y a pas 44 mètres, là il reste 20 mètres de plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Et vous leur avez dit, chargez, je paierai. Vous m'envoyez donc sur le devis. Christian, simplement, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y avait plus que prévu ? apparemment, pour moi, oui. Mais ils ont fait quand même un devis de 44 mètres cubes. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas un professionnel. C'est eux qui font l'erreur. C'est donc, pas moi. Quand ils sont venus, ils avaient bien vu ce qu'il y avait dans le garage. Ils ont tout vu. Il n'y a pas tout d'un coup une pièce qui est sortie du chapeau. Ah non, pas chapeau. Du tout. Ils ont tout vu. Ils ont tout vu. Maître Novakovic. Oui, alors moi, je m'adresse aux professionnels que, effectivement, le déménageur, à partir du moment où le professionnel commet une erreur dans, effectivement, dans le volume qui est prévu, eh bien, il doit assumer son erreur. S'il estime qu'il s'est trompé parce qu'il y aurait eu d'autres meubles qui n'étaient pas prévus, à ce moment-là, il fallait lui faire signer un papier. Là, rien n'est signé. Donc, le déménageur doit s'en tenir à son devis initial. Bien. Donc, monsieur de Vaglio, comment on peut se sortir de ça? Où sont ces meubles-là, maintenant, que vous estimez donc à 2000 euros? On lui a en garde-meuble. On lui a envoyé un dossier. Un d'accord. Garde-meuble. On veut quand même lui montrer qu'on détient son mobilier par direction, quand même. Donc, vous ne lui donnerez que s'il paie 2000 euros. Bah, attendez, déjà, il me doit 1500 euros sur son déménagement. D'accord, il va vous les donner. Il va vous les donner, ça. Moi, ce qui m'étonne énormément, c'est que vous avez enlevé les meubles le 1er juin. Vous avez vu ce que vous appelez, vous, un surcubage qui serait de la faute de votre client. Il n'y a rien d'indiqué sur la lettre de voiture disant « Nous enlevons plus que prévu au devis ». Bien au contraire. Donc, vous dites quelque chose et moi je vois ce qu'il y a écrit. Et non, ce qu'il y a d'extraordinaire, monsieur, pour terminer, et donc pour venir, moi, pas du tout appuyer votre version, c'est que dans la lettre de voiture, c'est-à-dire celle signée le 5 juin, qui est la lettre qui constate que le déménagement est terminé, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Il y a écrit avec réserve, en attente du reste de mon déménagement. Le client a réglé une somme supplémentaire et réglera le solde à la livraison du reste. Nulle part il n'est écrit qu'il y a 21 mètres cubes qui n'ont pas été livrés parce qu'ils n'étaient pas prévus au départ. Par deux fois, monsieur. Oui, mais il a quand même reçu un devis complémentaire très rapidement. Mais après ? Donc monsieur, je vous pose la question simplement et vous faites ce que vous voulez. Deux solutions. Un, demandezjustice.com vous assigne et chacun va devant le juge pour faire valoir ses droits et nous on suit ça au fur et à mesure. Tranche. C'est le juge qui tranche et on donne le résultat sur l'antenne. Soit vous trouvez un accord, peut-être que Christian peut aussi mettre un petit peu d'eau dans son vin, on peut trouver une solution là-haut. À vous de décider. Moi, il m'appelle, je suis pas un procédurier et on est une entreprise de renom. D'accord ? Mais j'aime la bonne foi. D'accord ? Et je ne peux accepter qu'on puisse dire qu'on se trompe délibérément d'un cubage aussi excédentaire. La seule différence, c'est que dans notre métier, nos chefs d'équipe sont pas briefés juridiquement, d'accord ? Et il y a des loupés, je le sais, d'accord ? C'est pour ça que je donne pas tort à l'avocat qui vous tient sur votre plateau. La seule différence, c'est que s'il y a de la bonne foi, moi je suis capable de faire des efforts. Mais que dans le cadre-là. Sinon, j'irai en justice. Alors, Christian, est-ce que vous avez dit à monsieur Le Letter, j'accepte de payer, et maintenant vous dites, je n'accepte plus de payer? Non, moi, j'ai pas dit ça à monsieur Le Letter. J'ai dit à monsieur Le Letter, je veux bien payer les 1500 euros de... qui manque sur le devis initial. Pas de problème. Mais les 2200 euros, voilà. Je ne paye pas. Et alors, il m'a dit, ça ira en justice et la rassure. Ok, mais moi, il n'y a aucun souci. La justice, j'ai envie de vous dire, le but de l'émission, c'est de trouver des compromis. Mais j'ai envie de vous dire, je préfère presque qu'on aille en justice parce que ça nous permettra d'avoir un jugement qu'on pourra lire sur l'antenne et on verra qui a raison, qui a tort. Je suis incapable de vous dire qui, mais j'ai une petite idée, mais je vais la garder pour moi, mais on pourra le lire sur l'antenne. Donc, à vous de voir les deux. Maintenant, moi, j'ai juste une chose à vous dire, monsieur Vaglio Déménagement, je ne suis pas déménageur. Je n'ai aucune leçon à vous donner. Mais, si demain je l'étais, je viens, je vois qu'il y a 44 mètres cubes. Au moment de charger, je m'aperçois qu'il y a 20 mètres cubes de plus. Dans ces cas-là, je prends le client et je lui dis « Monsieur, voilà le problème. » Vous voyez, là, il y a 44 mètres cubes. Laissez-moi finir. Qu'est-ce qu'on fait de ces 20? Soit vous me signez tout de suite, là, au cul du camion, un papier. Il y a 20 mètres cubes de plus, j'accepte de payer 2000 euros en plus. Sinon, les 20 mètres cubes ne partent pas, mais je ne les mets pas dans le camion en disant « Il m'a dit, je l'ai dit. » Personne ne peut prouver des « il a dit ». Maintenant, monsieur, je vous passe Bernard Sabat. Dans 5 secondes, vous me dites « Si on va en justice, ou bien... » Si on fait une négociation, et auquel cas on demandera peut-être même à Christian de faire un petit effort aussi. On se retrouve dans une seconde. Bonne journée sur RTL. Auchan et la vie. change. Et pendant les 125 jours au champ, ce sont les nuits d'Astrid des gens qui changent. Avec 70% en cagnotte sur les couches Baby Dry Mega Pampers. Moins 70%. Astrid, Jean. Voyons les choses du bon côté. Maintenant, quand vous vous levez 5 fois par nuit, ben quelque part, vous faites 5 fois des économies. Jusqu'à mardi, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 70% en cagnotte sur les couches et culottes Baby Dry Mega Pampers. Et vos nuits changent. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, voire conditions en magasin, magasin ouvert le 1er novembre, voire sur Auchan.fr. Les très belles reprises Peugeot, ça n'attend pas. Vous êtes séduit par la sublime berline Peugeot 308 ultra connectée avec navigation 3D et boîte automatique 8 rapports, parfaite pour vous déplacer dans le plus grand confort. Alors laissez-vous convaincre par de nouvelles émotions sur la route. Pendant les très belles reprises, Peugeot reprend votre véhicule 3600 euros en plus de sa valeur pour l'achat d'une Peugeot 308 neuve. Découvrez les véhicules disponibles immédiatement sur peugeotwebstore.com. Conditions sur offre.peugeot.fr. En ce moment, dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Et Benoît, responsable du rayon frais, dit à une cliente. Pour vos enfants, vous avez un pack de 4 pots de crème dessert Danette, soit 500 grammes, offert pour l'achat de 3 packs à 1 euro, soit les 4 packs au choix à seulement 3 euros. Mais ils sont en colo. Oui, mais ça reste une bonne affaire. Très bonne affaire. Alors dépêchez-vous, les ventes privées live, c'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com, soit 1,50€ le kilo, transformé en France. U. Commerçons autrement. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Album RTL de l'année 2018. Kid, Marc Lavoine, Je reviens à toi. Christine and the Queens, Chris. Timber Rose, Chapter 1. Angèle, Brawl. Qui sera élu album RTL de l'année? Votez dès maintenant pour votre album préféré sur RTL.fr et rejoignez les 30 privilégiés qui composeront le jury des auditeurs de RTL qui élira l'album RTL de l'année 2018. And the winner is... En partenariat avec Télé Loisirs. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Sur l'antenne d'RTL, nous allons donc conclure ce dossier déménagement. C'est Christian qui nous appelle parce qu'il a payé à une entreprise de déménagement. Le problème, c'est qu'on lui demande de payer 2200 euros en plus pour avoir tous ses meubles. Bon, alors maintenant, il y a eu chacun donné son point de vue. On a parlé, on peut ne pas être d'accord. Des fois, la discussion est un peu musclée, mais c'est ce qui fait le sel de cette émission. Ce qui compte, c'est qu'on puisse parler. C'est qu'on ne se contente pas de la version de Christian. Il y a eu la version de ce monsieur de Vaglio. On l'a bien écouté. Aujourd'hui, quelle est la proposition de monsieur Vaglio? S'il vous plaît. Bah écoutez, je me suis entretenu avec votre collègue. Je lui ai dit dans un encadre, dans l'esprit de bonne foi, parce que je souhaite que les deux parties soient de bonne foi. Et je veux bien faire un geste commercial et lui relivrer son solde, moyennant 1000 euros. Le garde-meuble, bien évidemment, il est gratuit, c'est évident. Je serai, je parle d'un principe, c'est que ça aurait pu se régler avant, parce qu'on a tout fait pour que ça se règle avant. Et puis le problème est réglé. Est-ce que c'est bon pour vous, Christian? 1000 euros, vous récupérez vos meubles? Oui. Ok. Fin du dossier, c'est génial que vous ayez eu l'intelligence, tous les deux, de trouver un accord. Le reste, oubliez, il a dit, j'ai dit, ça ne changera d'accord. rien. Ça ne fera pas revenir le camion chez vous, donc tout va bien. Bravo Hervé, bravo à monsieur. 2500 euros. Bravo voilà. à monsieur de Vaglio pour cet esprit d'ouverture. Bravo à Christian d'avoir accepté. Vous récupérez l'appel, mon cher Hervé. Eh bien écoutez, c'est formidable. On se retrouve très rapidement sur l'antenne d'RTL. Merci les avocats. Bravo les négociateurs et les journalistes. Nous avons pu régler les problèmes. Et ça, ça nous rend heureux. What's the sense in sharing this one and only life? Il est 11h.